Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Incha'Allah ta'ala, aujourd'hui, nous allons parler du prophète Ayyub alayhi salam, qui est un des 25 prophètes qui ont été cités dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il fasse que nous ayons une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. Le prophète Ayyub alayhi salam est donc un des 25 prophètes qui ont été cités dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, entre autres, parmi les versets qui citent le prophète Ayyub alayhi salam, إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens qu'il a envoyé des prophètes, qu'il a fait descendre la révélation à des prophètes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière que la révélation est descendue sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, elle est descendue également sur des prophètes avant lui. Et certains prophètes ont été cités dans ces versets-là. Parmi eux, le prophète Nuh, alayhi salam, le prophète Ibrahim, le prophète Ismaïl, le prophète Ishaq, le prophète Ya'qub. Et on a parlé de chacun de ces prophètes. Également, les Asbat, les prophètes qui étaient parmi les Asbat. Les Asbat, ce sont les descendants du prophète Ya'qub, alayhi salam. Il n'est pas visé par le terme Asbat les fils directs, les 12 fils directs du prophète Ya'qub, parce que 10 parmi eux n'étaient pas des prophètes. Yusuf alayhi salam, qui était le fils de Ya'qub, était un prophète. Et le Binyamin, il y a certains savants qui ont dit que c'était un prophète. Mais les 10 autres n'étaient pas des prophètes. Par contre, dans leur descendance, qui sont les 12 tribus de Banu Israël, les 12 tribus des enfants du prophète Israël, qui est le prophète Jacob, Ya'qub alayhi salam, il y a eu également des prophètes et il y en a eu un grand nombre. Et c'est pour cela qu'ils sont cités dans le Coran comme étant les Asbat, c'est-à-dire les prophètes qui sont dans la descendance du prophète Ya'qub alayhi salam. Dans le même verset, Allah Ta'ala cite le prophète Isa, le prophète Ayyub, le prophète Yunus, Harun, Sulayman et Daoud. Puis, dans le verset suivant, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. C'est-à-dire que certains envoyés de Dieu, leur histoire a été révélée au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tandis que d'autres envoyés de Dieu, leur histoire n'est pas connue du prophète. Il n'a pas été révélé au prophète l'histoire de chacun de tous les envoyés de Dieu qui l'ont précédé. Et d'ailleurs, comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, dans des cours précédents, certains savants, notamment Ibn Hibban, ont rapporté qu'il y a eu 124 000 prophètes et parmi eux, 313 messagers. Et je rappelle que la différence entre un prophète messager et un prophète non messager, c'est qu'un prophète messager reçoit la révélation et il reçoit des nouvelles lois. Tandis que un prophète non messager, il reçoit la révélation, mais il reçoit exactement les mêmes lois que le prophète qui l'a précédé. Et pour répondre à une question entre parenthèses qui m'a été posée, le prophète Adam alayhi salam est venu avec la première des lois. Donc c'est un prophète et c'est un prophète messager. On ne dit pas que le prophète Adam c'était le premier prophète mais qu'il n'était pas messager. Non, il serait venu avec la loi d'un prophète précédent. Il n'y a pas eu de prophète avant lui. C'est lui le premier envoyé de Dieu. C'est lui le premier prophète. Et pour répondre à une autre question qui m'a été posée dernièrement, à qui a été envoyé le prophète Adam, étant donné que c'est le père des humains, il a été envoyé à sa descendance. Quand il est descendu du paradis, le prophète Adam, alayhi salam, a eu une descendance avec sa femme, son épouse, Hawa, Ève. Ils ont eu 40 enfants. Ils ont eu 40, ou plutôt Hawa a eu 40 grossesses. Dans chacune de ces grossesses, elle a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Et dans la dernière grossesse, elle a eu un garçon qui était le prophète Sheath, alayhi salam, qui est devenu prophète après la mort du prophète Adam, alayhi salam. Mais le prophète Adam a vécu longtemps. Il a vécu 1000 ans et il a eu 40 000 personnes de sa descendance avant de mourir. Donc il a vu 40 000 personnes de sa descendance, et c'est à eux qu'il a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète Adam était un prophète messager. Et ça n'est pas le prophète Nuh, le premier prophète messager dans l'absolu. Bien qu'il y a un hadith dans lequel il est rapporté qu'au jour dernier, Adam alayhi salam dira à ceux qui viendront demander l'intercession. Alors oui, la parenthèse elle est en train de s'allonger, mais le sujet est important. Après, on va parler du prophète Ayyub alayhi salam, ne vous inquiétez pas. Donc, il a été rapporté dans un hadith sahih que au jour dernier, les musulmans iront demander l'intercession au prophète Adam, ceux qui subiront un châtiment et qui seront éprouvés, ils demanderont l'intercession au prophète Adam alayhi salam et il leur dira allez voir Nuh. فَإِنَّهُ أَوَّلُ الرُّسُلِ Les savants ont expliqué ce que veut dire cette parole. Ça ne veut pas dire « allez voir Nuh » parce qu'il est le premier messager dans l'absolu. Mais ça veut dire que, alors selon l'explication de certains savants, ça veut dire que le prophète Nuh est le premier messager à avoir été envoyé après que l'humanité se soit propagée sur terre. Après que les gens se soient dispersés et propagés sur terre, le premier messager à avoir été envoyé, c'était le prophète Nuh alayhi salam. Mais ça n'empêche pas qu'avant lui, il y a eu trois prophètes messagers, Adam, Sheath et Idris. Également, une autre explication de ce hadith qu'ont donné les savants, c'est de dire que le prophète Nuh est le premier des Rusul, dans le sens qu'il est le premier messager à avoir été envoyé à un peuple de mécréants. Parce qu'avant lui, tous les prophètes, avant lui, toutes les communautés étaient musulmanes. La communauté du prophète Adam, la communauté du prophète Sheath et celle du prophète Idris, tous les êtres humains étaient musulmans. Comme dit Allah dans le Coran, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين c'est-à-dire qu'au départ les gens étaient une seule et même communauté, ils étaient tous sur l'islam, puis après que la mécréance se soit propagée, comme l'a expliqué Ibn Abbas radiyallahu anhu lorsqu'il a expliqué ce verset, après que la mécréance se soit propagée après la mort du prophète Idris alayhi salam, d'autres prophètes ont été envoyés, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs de châtiments. Et le premier d'entre eux, le premier à avoir été envoyé à des non-croyants, à des gens qui adoraient les statues, c'était le prophète Nuh alayhi salam, et ça explique pourquoi dans ce hadith, Adam alayhi salam a utilisé ce terme-là au sujet du prophète Nuh en disant qu'il est awwalur rusul ila ahli al-ard, selon une version du hadith. Donc, Ayyub alayhi salam, je ferme la parenthèse, hein, Ayyub alayhi salam est un des 25 prophètes qui ont été cités dans le Coran. Et Ayoub est très connu pourquoi ? Pour sa patience. Bien que tous les prophètes sont extrêmement patients, ce sont des modèles pour l'humanité. Et ils sont une uswatun hasana. Ce sont l'exemple pour nous à suivre. Et le musulman se doit de suivre les vertueux comme exemple. Et qui sont les meilleurs des vertueux? Ce sont les prophètes. Et les prophètes étant les meilleurs des vertueux, Allah Ta'ala leur a accordé le plus d'épreuves. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu. C'est-à-dire les plus éprouvés des gens, c'était les prophètes, puis ceux d'en dessous dans le degré, puis ceux d'en dessous dans le degré. Et avant de commencer à raconter l'histoire du prophète Ayyub alayhi salam, je tiens à attirer votre attention sur un point qui est très important. Aucun prophète n'a été touché par une maladie répugnante, ni Ayyub, Job, Ayyub, on l'appelle Job en français, ni Ayyub alayhi salam, ni un autre prophète. Pourquoi ? Parce qu'Allah Ta'ala, il a envoyé les prophètes en tant que guide pour l'humanité. Il les a envoyés porteurs d'un message. Il les a envoyés annonciateurs de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle du paradis pour celui qui croit en Allah et avertisseurs d'un châtiment pour celui qui refuse de croire en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, Allah les a dotés des meilleures des caractéristiques qu'un être humain puisse avoir. Allah Ta'ala ne va pas envoyer un messager porter le message au nom d'Allah en lui donnant des attributs qui repoussent les gens de ce message-là. Ça n'est pas possible. Et c'est contraire à la sagesse. Et Allah crée toutes choses selon une sagesse. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala a envoyé tous les prophètes avec un beau visage, avec une belle voix, avec une belle apparence, avec une perspicacité, avec une sagesse, avec une compréhension, une intelligence, avec des beaux attributs, des belles qualités, aussi bien corporelles, physiques que comportementales. Et du point de vue de la santé, certes, les prophètes étaient les plus éprouvés et il y a des prophètes qui sont tombés malades pendant longtemps, qui sont tombés très malades, mais aucun prophète n'a été touché par une maladie repoussante, par une maladie répugnante. Et c'est pour cela que je répète encore et encore, il faut faire très attention à la lecture dans les livres concernant la religion de l'islam. Parce que malheureusement, beaucoup de livres ont été parsemés. Ils ont été parsemés d'histoires ou d'anecdotes qui sont totalement inventées. D'ailleurs, beaucoup d'anecdotes qui sont mensongères au sujet des prophètes ont été inventées par Al-Yahoud. Ce sont eux qui ont inventé des histoires qui ont malheureusement été parfois introduites dans les livres qui parlent de l'islam et dans les livres qui racontent les histoires des prophètes au nom de l'islam. Il faut donc faire très attention à cela. Alors, à quoi je fais allusion ? Je fais allusion à cette histoire notamment au sujet du prophète Ayyub alayhi salam, qui est totalement fausse, dans laquelle certains prétendent, et vous pouvez le trouver malheureusement dans des livres sur les récits des prophètes, et même dans des tafsirs du Coran. Et cette histoire, il n'est pas permis d'y croire. C'est impossible que cela soit arrivé. Qu'est-ce qu'il est dit dans cette histoire mensongère? Ils prétendent que le prophète Ayyub alayhi salam avait des vers qui sortaient de son corps. A'ouzou billah. Déjà un imam, imaginez-vous un imam qui entre dans une mosquée pour faire la da'wah, ou ceux qui même sortent dehors pour faire la da'wah, pour appeler les gens à l'islam et à suivre la vérité. Imaginez-vous si l'un d'entre eux a des vers qui sortent de son corps. Qui va le suivre? Qui va se rapprocher de lui? Qui va l'écouter? Personne. Tout le monde va fuir, tout le monde va s'éloigner de lui parce qu'il aura une maladie répugnante, une maladie repoussante. Allah Ta'ala ne va pas accorder à un prophète qui est un envoyé de Dieu une telle maladie. Donc, malheureusement, ça s'est propagé, mais il est un devoir de mettre en garde contre ces mauvaises histoires, contre ces mensonges et ces calomnies au sujet des prophètes, alayhim salatu wassalam. Alors, qui est le prophète Ayyub, alayhi salam? Le prophète Ayyub, alayhi salam, c'est un descendant du prophète Ishaq. Donc, il est venu après Ibrahim, après Ishaq, après Yaqub et même après le prophète Yusuf alayhi salam, puisque certains savants ont dit que l'épouse de Ayyub, c'était Rahma, la fille du prophète Youssouf alayhi salam. Ça, c'est pas quelque chose qui est totalement confirmé, mais c'est ce que certains savants ont dit. Donc, le prophète Ayyub alayhi salam, c'était quelqu'un qui était vertueux, comme tous les prophètes. Allah lui accordait beaucoup de bienfaits au départ, et il remerciait Allah Ta'ala pour ses bienfaits. Il était, comme j'ai dit, le beau-fils du prophète Youssouf alayhi salam, selon certains savants, et il y a également des savants qui ont dit que sa mère, la mère du prophète Ishaq alayhi salam, c'était la fille du prophète Lot alayhi salam. Et rappelez-vous, le prophète Lot, c'est le neveu du prophète Ibrahim alayhi salam. D'accord ? Donc, vous arrivez à voir un peu les connexions familiales et la relation familiale du prophète Ayyub alayhi salam, aussi bien avec le prophète Youssouf et par conséquent avec le prophète Yaqub, mais également du côté de sa mère avec le prophète Lot alayhi salam. Et certains savants ont dit qu'il descend également du prophète Ishaq. Le prophète Ayyub alayhi salam, comme j'ai dit, il a été touché par une maladie, mais avant cela, une maladie qui n'est pas répugnante, comme on vient de l'expliquer, mais avant cela, Allah lui a donné beaucoup de bienfaits. Des bienfaits dans sa personne, était en bonne santé, des bienfaits dans sa famille, il avait beaucoup d'enfants, masha'Allah, et des bienfaits dans ses biens, et c'est-à-dire ses richesses. Il était extrêmement riche. Et à ce propos, je vous rappelle qu'il y a une parole qu'il est bien de réciter matin et soir. Elle est très facile à réciter, très simple. Afin d'être préservé dans sa famille, préservé dans ses biens et préservé dans sa santé, sa personne. C'est quoi cette parole ? Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi, c'est-à-dire je demande la protection par le nom d'Allah et je demande la protection d'Allah sur ma personne. Wa ahli et ma famille, wa mali et mes biens. C'est très facile à réciter, vous le récitez trois fois quand le maghrib entre, c'est-à-dire quand le soleil s'est couché, et trois fois le matin quand l'aube s'est levée au subh. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rapporté et qui est très utile et bénéfique. Je ferme la parenthèse, je reviens au prophète Ayyub alayhi salam. Il était riche, il était père de 14 enfants. Il avait 7 garçons et 7 filles, et il avait une épouse vertueuse, et il faisait beaucoup de bien. Il aidait les pauvres, bien sûr, il appelait à l'islam, c'était un prophète. Il aidait les nécessiteux, il les nourrissait, il aidait les femmes veuves, il prenait en charge même les orphelins, il s'occupait très bien de ses invités, il adorait parfaitement Allah subhanahu wa ta'ala, comme tous les prophètes. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Comment ? Premièrement, les djinns, les shayatins, les diables, ils se sont attaqués au bien du prophète Ayyub alayhi salam. Ils ont mis le feu, parce que Ayyub avait beaucoup de terrain et il avait des cultures. Il faisait pousser de la végétation et il était riche. Les djinns, ils ont jeté le feu, ils ont mis du feu dans la région dans laquelle Ayyub alayhi salam possédait ces terres-là. C'était la région de Huran. C'était dans un endroit qui s'appelle Al-Bathaniya et c'était dans la région de Hashem. Donc là où il y a la Palestine, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Et j'en profite pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois pour qu'il délivre nos frères en Palestine de la grande épreuve et de la grande injustice qu'ils subissent. Amin. Donc, Ayyub alayhi salam a perdu ses biens, ses terres ont été brûlées par les diables, par les shayatins. Ensuite, deuxième épreuve, donc déjà imagine, tu es très riche et tu deviens pauvre. Deuxième épreuve, ils ont vu les shayatins que Iblis a fait preuve de... Les shayatins ont vu que le prophète Ayyub alayhi salam a fait preuve d'une grande patience. Au point qu'il a été rapporté, qu'il a dit « Lillahi ma akhadh, wa lahu ma a'ta, huwa malikul mulk, falhamdulillahi ala kulli hal. » C'est-à-dire « À Dieu appartient ce qu'il a repris Et à Dieu appartient ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a accordé. C'est lui qui a à qui appartient toute chose, et je remercie Allah et je suis reconnaissant quelle que soit la situation. Il a dit ça avec malgré l'épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait les shayatines? Ils se sont attaqués à ses enfants. Et ses enfants étaient dans sa maison, mais c'était un bel édifice, et les shayatines ont fait écrouler l'édifice, ils ont fait écrouler la maison sur les enfants de Ayyub alayhi salam. 14 enfants, 7 garçons et 7 filles qui sont morts en un jour. C'est pas un enfant, c'est pas deux enfants, c'est pas trois enfants, c'est 14 enfants qui sont morts. Vous voyez, quand je vous dis que Ayyub alayhi salam est un modèle de patience pour nous. Et c'est cité dans le Coran que les épreuves qu'il a subies et sa patience, c'est parmi les sagesses, c'est pour nous apprendre à faire preuve de patience. Du fait que les prophètes sont extrêmement éprouvés et qu'ils patientent, c'est un enseignement pour nous. Parce que quand tu te retrouves dans une grande dans une situation éprouvante et difficile et dans une grande adversité et que les épreuves elles pleuvent sur toi, comment faire? Prends pour exemple les prophètes. Ils ont eu plus d'épreuves que toi. Et donc, suis-les dans le cheminement et dans la manière de réagir et de faire face à ces épreuves et à cette adversité. Et le prophète Ayyub alayhi salam, Allah Ta'ala, dit à son sujet dans le Coran, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Alors, je ne vais pas vous expliquer maintenant tout ce qui est cité dans ces versets, pour ne pas vous spoiler dès maintenant comment ça s'est passé après, la fin de l'histoire, mais ce qu'il y a à comprendre ici, c'est la fin du verset. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. C'est-à-dire que l'histoire de Ayyub alayhi salam et l'épreuve telle qu'il l'a subie et sa patience face à cette épreuve, c'est une ذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Pour les adorateurs, c'est un rappel. C'est un rappel pour nous. C'est un enseignement pour nous. C'est un enseignement pour les croyants qui sont éprouvés. Et dans un autre verset du Coran, il est cité à peu près la même chose. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Alors encore une fois, j'expliquerai les débuts de ces paroles dans la suite de l'histoire, inshallah. Mais la fin, qu'est-ce qu'elle nous dit? وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. C'est un rappel pour ceux qui sont dotés de raison. Donc quand tu es touché par des épreuves, que ce soit dans tes biens, dans ta personne, ta santé ou dans ta famille, patiente pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vie d'ici-bas, c'est une terre d'épreuves. C'est une terre d'épreuves. Donc tu vas être éprouvé. Je le dis souvent, quand tu rentres dans la mer, tu n'es pas étonné d'être mouillé. Tu dis pas, oh là là, je suis mouillé. Ben oui, t'es mouillé, t'es rentré dans l'eau. Forcément, l'eau, ça mouille. Quand tu entres dans cette vie d'ici-bas, tu es éprouvé. Parce que cette vie d'ici-bas est une terre d'épreuves. Donc ne sois pas étonné, ne sois pas stupéfait ou choqué parce que tu es éprouvé dans ce bas monde. C'est normal. Maintenant, comment vas-tu gérer l'épreuve? De la même manière que l'ont fait les prophètes, en patientant, en faisant preuve de reconnaissance à l'égard d'Allah, en disant « Alhamdulillahi ala kulli hal »« Je remercie Allah, quelle que soit ma situation » ou en t'offusquant et en te révoltant et en te rebellant contre ton Seigneur et ton Créateur et en commettant des péchés. Comment vas-tu gérer? Et au final, comment faut-il le gérer? Il est bon de se rappeler pour cela que de toute manière, ton épreuve, elle est là, elle est là. Si quelqu'un tombe dans un péché à cause de l'épreuve, c'est pas ça qui va enlever l'épreuve. N'est-ce pas que tout est prédestiné par Allah? Donc, que la personne se révolte ou pas, que la personne commette des péchés ou pas, de toute manière, ce que Dieu lui a prédestiné comme épreuve lui arrivera sans aucun doute et restera la durée que Dieu a prédestinée. Donc, ça ne changera rien le fait de désobéir. Alors autant ne pas désobéir. Ça ne changera rien le fait de se révolter, se rebeller. Donc autant ne pas se révolter et se rebeller, mais faire ce qui est requis de nous, c'est-à-dire nous soumettre au destin, nous soumettre à la prédestination d'Allah, nous en remettre à Allah, nous fier à Allah subhanahu wa ta'ala et faire preuve de patience comme l'a fait le prophète Ayyub alayhi salam. Donc, on a dit première étape, ces biens ont été brûlés. Ces champs ont été brûlés. Deuxième étape, ces 14 enfants sont morts le même jour. Le bâtiment s'est écroulé, l'édifice s'est écroulé sur eux. Troisième étape, Allah a éprouvé Ayyub alayhi salam par la maladie. Et je le répète encore une fois, nous ne savons pas quelle était cette maladie, il n'a pas été rapporté, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas une maladie répugnante. Il n'est pas permis de croire que des vers sortaient du corps de Ayyub alayhi salam, et encore moins que Ayyub reprenait soi-disant ses vers et il les remettait sur sa peau pour dire, en disant « Kouli mir rizqiki » ou bien « mir rizqillah » c'est-à-dire « Venez manger de ce que Dieu vous a donné comme subsistance. » Ceci est vraiment du grand n'importe quoi. Si quelqu'un est malade, sous tes yeux, il y a des vers qui sortent de son corps. Et lui, au lieu d'essayer de se soigner ou de patienter face à l'épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les vers et il les remet sur son corps pour que les vers, ils bouffent son corps. Tu vas dire, mais c'est stupide, tu es en train de te nuire encore plus. Il n'est pas permis de se nuire. On ne se nuit pas, ni on nuit aux autres, ni on nuit à son propre corps. Parce que tu appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala et Dieu t'a interdit de te nuire. C'est pour cela, de te nuire à toi-même, c'est pour cela qu'il est interdit entre autres de se suicider. Parce que tu auras tué une personne qu'il t'est interdit de tuer. Même si c'est ta propre personne, tu ne t'appartiens pas à toi, tu appartiens à Allah. Donc tu dois faire ce que Dieu a décréter ce que Dieu a ordonné et tu dois éviter ce que Dieu a interdit. Donc personne de raisonnable ou de sensé ne va prendre des animaux, des vers, pour les mettre sur sa peau abîmée ou sur son corps et pour que ces vers ils continuent à lui nuire et à lui manger le corps. Ça n'est pas quelque chose de sensé, ça n'est pas quelque chose de raisonnable et ça n'est pas quelque chose qu'un prophète fait. Les prophètes ne sont pas touchés par ces maladies répugnantes, ils ne se nuisent pas. D'accord ? C'est très important. Et propager cela aux gens, parce que malheureusement, beaucoup de gens disent « Ah, mais pourtant j'avais entendu ça quand j'étais jeune. On m'avait dit que Ayyub alayhi salam, il avait des vers qui sortaient de son corps. » A'udhu billah. Il n'est pas permis de croire à cela. Et donc, mettez en garde dans vos entourages, dans votre entourage, mettez en garde contre ces mauvaises croyances. Les prophètes sont préservés de toute maladie répugnante et de tout comportement qui repousserait les gens de venir écouter leur appel à l'islam. Combien de temps était malade le prophète Ayyub alayhi salam? Il a été rapporté qu'il était malade pendant 18 ans. 18 ans. Au point que les gens qui étaient proches de lui ou les gens qui étaient éloignés de lui, tous se sont encore plus éloignés de lui. À la fin, il s'est retrouvé seul. Il n'y a que sa femme qui est restée avec lui à le soutenir. Et c'était une femme vertueuse. Et malgré la perte de ses 14 enfants, elle n'a pas dit « Oh, ça y est, je fais un burn-out, ça y est, j'arrête tout, je m'en vais, j'en ai marre, je ceci, je cela ». Non, elle a patienté avec son mari qui était malade. Elle l'aidait même à marcher quand il avait besoin de sortir pour faire ses besoins. Elle l'accompagnait, elle l'aidait. Imaginez-vous, 18 ans de souffrance, 18 ans à supporter et à devoir soutenir son mari ainsi. 18 ans après avoir perdu les richesses, parce que ils étaient riches avant, ils sont devenus pauvres. Pour moins que ça, il y a des gens qui dévient et qui font n'importe quoi, homme ou femme. Elle a perdu son argent puisque elle était avec Ayyub alayhi salam, c'était son épouse. Elle a perdu ses 14 enfants et son mari est resté malade pendant 18 ans au point que tout le monde autour a disparu, tout le monde s'est éloigné, et elle est restée avec le prophète Ayoub alayhi salam. Elle restait avec lui. Quand est-ce qu'elle se séparait de lui pour aller travailler, pour ramener de l'argent, pour lui ramener à manger? Vous imaginez? C'est elle qui allait travailler et qui parfois était au service de certaines personnes pour pouvoir gagner un peu d'argent pour donner à manger à son mari parce que parfois il n'avait rien à manger. Ça, c'est de la patience. Ça, c'est du courage. Ça, c'est une femme. Et Ayoub, alayhi salam, c'est un homme. Et quel homme? C'était un prophète. Ça veut dire que même pendant les 18 ans d'épreuve, il continuait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il continuait à se soumettre à Allah. Et pendant 18 ans, il n'a même pas invoqué Allah pour qu'il lui accorde la guérison. Jusqu'à ce que 18 ans s'écoulent, et ça n'est que après les 18 ans qu'il s'est passé un événement qui l'a fortement attristé. Et suite à cet événement, il a invoqué Allah Ta'ala à ce moment-là pour qu'Allah lui accorde la guérison. Nous, c'est possible, le début du premier mal de tête ou une petite migraine hakashuya, et on se met à se plaindre à droite, à gauche, « Aïe, j'ai mal au dos, aïe, j'ai mal à la tête, ah, je suis fatigué, oh, ceci, oh, cela. » Regarde ceux qui sont plus éprouvés. Quand je dis regarde, je parle à moi-même avant de vous parler à vous. Regardons ceux qui sont plus éprouvés que nous avant de nous plaindre et d'utiliser des termes de plus en plus exagérés pour décrire notre situation qui n'est rien comparée aux épreuves de ceux qui sont réellement éprouvés. Mais on est là à vouloir exprimer l'ampleur de l'épreuve dans laquelle nous sommes, alors que c'est peut-être une toute petite épreuve. Oh, je suis trop fatigué aujourd'hui. Oh, j'ai travaillé 8 heures. Mais regarde les vraies épreuves des autres. Oh là là, je suis resté debout dans le train ou dans le RER pendant une heure, il n'y avait même pas de place pour s'asseoir. C'est ça ton épreuve? Oh, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, ça fait 3 heures, j'ai pas dormi de la nuit. Il y en a, ils dorment pas pendant des années. Donc, regardons ceux qui ont moins que nous dans les biens, dans les richesses, dans la santé. Regardons ceux qui sont plus éprouvés que nous. Et à ce moment-là, on verra que c'est plus facile de supporter ce dans quoi nous sommes et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ayoub alayhi salam, il était extrêmement reconnaissant alors qu'il était éprouvé par la maladie pendant 18 ans après avoir perdu ses 14 enfants et après avoir perdu ses richesses. 18 ans plus tard, il entend deux personnes qui marchent et qui parlent l'une à l'autre. Et il y en a un des deux qui a dit une parole extrêmement grave. Une parole qu'il n'est pas permis de dire. Une parole que tu n'as pas le droit de dire parce que les prophètes sont des envoyés de Dieu. Donc tu n'as pas le droit de leur attribuer quelque chose qui va à l'encontre du degré de la prophétie, qui va à l'encontre du rang des prophètes. Les prophètes ne tombent jamais dans la mécréance, n'est-ce pas? Et ils ne tombent pas non plus dans les grands péchés. Cela n'existe pas. Les prophètes sont venus pour nous enseigner l'islam, pour nous enseigner le chemin à suivre. Alors ils ne vont pas, eux, tomber dans les grands péchés, comme ce que certains ont attribué au prophète Youssouf alayhi salam d'avoir voulu faire la fornication. Ceci, comme j'ai déjà expliqué dans l'histoire du prophète Youssouf, ceci est impossible. Youssouf ne fait pas cela. Et certains ont attribué au prophète Ibrahim alayhi salam le fait d'avoir douté c'est qui son Dieu. Ça, c'est impossible. Ibrahim ne doute pas de Dieu. Tous les prophètes sont musulmans depuis toujours. Quant à Ayoub alayhi salam, il y a un qui marchait avec quelqu'un d'autre et qui lui a dit « Oh là là, t'as vu tout ce qu'il est éprouvé, Ayoub ?» Forcément, ça veut dire qu'il a commis un immense péché, il a commis un très grand péché, c'est pour ça qu'il est éprouvé comme ça. Et dire cela au sujet d'un prophète, c'est blasphématoire. Ça revient à insulter le rang des prophètes, le rang de la prophétie. Ça, c'est ne pas comprendre ce qu'est un prophète, ne pas accorder aux prophètes le respect que l'on doit leur accorder. Et ceci est un blasphème. Quand Ayoub alayhi salam a entendu cela, il a été attristé. Alors à ce moment-là, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde la guérison. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous on demande à tout le monde, fais-moi des doigts, je suis malade. Dès le premier jour, Ayoub a attendu 18 ans et il a demandé la guérison à Allah parce que cette histoire est arrivée et cette histoire lui a brisé le cœur. Alors, lorsqu'il est sorti, en s'appuyant sur sa femme pour aller rejoindre un endroit isolé, loin du regard des gens, pour aller faire ses besoins. Sa femme, elle était encore là, 18 ans après, à le soutenir, à patienter avec lui. Il est parti, il s'est retrouvé seul pour faire ses besoins. Et là, il lui a été révélé de frapper le sol avec son pied par deux fois. Et il a exécuté cet ordre. C'était la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a frappé la première fois le sol avec son pied, il y a une source d'eau qui a jailli. Et quand il a frappé une deuxième fois le sol avec son pied, il y a une deuxième source d'eau qui a jailli. Et Allah ta'ala lui a révélé de se laver avec l'une des deux sources et de boire l'autre source. Il s'est lavé avec l'une et il a bu l'autre. Et c'est cela ce qui est visé par le verset que j'ai cité tout à l'heure. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ça veut dire frappe le sol avec ton pied. هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ c'est-à-dire ceci est de l'eau qui est froide, qui est fraîche pour être pour te laver avec et pour boire. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Et Allah Ta'ala lui a accordé, ou plutôt ça, je vais l'expliquer tout à l'heure, Inch'Allah. On reste d'abord sur l'histoire des deux sources d'eau. Donc, il a bu de l'eau, il s'est lavé avec l'eau et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une guérison immédiate. Allah ta'ala lui a accordé une guérison immédiate. Au point que il est resté un peu longtemps, donc sa femme elle l'attendait et elle a trouvé que le temps était plus long que d'habitude. Quand il est revenu vers elle, elle l'a vu et elle ne l'a pas reconnu. Alors elle lui a dit, as-tu vu le prophète éprouvé, en parlant de son mari Ayyub alayhi salam? Et elle a dit, par Allah, je n'ai pas vu quelqu'un qui lui ressemblait autant que toi. Tu lui ressembles à l'époque où il était en bonne santé. Alors il lui a dit, c'est moi Ayyub. Elle ne l'avait même pas reconnu. Il a été très très très éprouvé alayhi salatu wassalam. Et Allah ta'ala lui a accordé la force du corps et la forme qu'il avait avant de tomber malade 18 ans plus tôt. Et en plus de cela, Allah Ta'ala a accordé à nouveau la jeunesse à son épouse pour toute cette patience qu'elle avait faite, dont elle a fait preuve. Donc, ils se sont retrouvés tous les deux en bonne forme et comme rajeunis. En plus de cela, le prophète Ayyub alayhi salam, il avait deux silos. Un silo, c'est comme un trou dans la terre dans lequel tu vas stocker, en fait. C'est comme un réservoir de stockage dans lequel tu stockes tes produits agroalimentaires. Et lui, il avait un silo pour stocker le blé et un silo pour stocker l'orge. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a envoyé deux nuages. Et il y a un des deux nuages qui a versé dans le silo de blé de l'or au point que le silo, donc le grand réservoir pour y mettre le blé, il s'est retrouvé plein d'or, rempli d'or. Et l'autre nuage, il a déversé sur le silo d'orge, il a déversé de l'argent. Il y avait un silo pour le blé et un silo pour l'orge. Le premier, il s'est rempli d'or et le deuxième, il s'est rempli d'argent. Et en plus de cela, donc il est redevenu riche, il a recouvré la santé. Et en plus de cela, pendant 3 jours et 3 nuits, il y a des sauterelles d'or qui sont tombées sur le prophète Ayoub alayhi salam, et c'est un miracle qu'Allah ta'ala lui a accordé. Des sauterelles en or qui sont venues chez le prophète Ayoub alayhi salam. Donc il est redevenu riche après avoir tout perdu de ce qu'il possédait, et il est redevenu en bonne santé après avoir été malade pendant 18 ans. Il reste une troisième chose, n'est-ce pas? Allah ta'ala lui a accordé des enfants à nouveau. Et certains savants ont dit qu'Allah lui a ressuscité ses 7 filles et ses 7 garçons, ses 14 enfants, et il lui a accordé 14 nouveaux enfants. Allah ta'ala dit dans le Coran, et c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure, « وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ » On lui a offert à nouveau sa famille, c'est-à-dire ses enfants. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, et en plus des 14 qu'il avait, il lui a été accordé 14 nouveaux enfants. رَحْمَةً مِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا, ça veut dire, et ceci est une miséricorde de notre part. Rappelez-vous, tout ce que Dieu t'accorde, c'est un bienfait, c'est par sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Donc, non seulement c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus, c'est un rappel pour les croyants, un rappel pour nous, ceux qui sommes dotés d'une raison, afin que l'on suive Ayyub alayhi salam dans son exemplarité dans la reconnaissance, dans la patience et dans le remerciement pour son Seigneur, pour les bienfaits qu'il lui a accordés. Ne tombons pas dans le jazar, ne soyons pas déchirés et perdus dès que nous sommes touchés par une quelconque épreuve. Que tu perdes tout ton argent, ou que tu perdes ta famille, ou que tu perdes ta santé, rappelle-toi, « Lillahi ma akhaz » À Dieu appartient ce qu'il t'a pris, tout comme à Dieu appartient ce qu'il t'a accordé. Le prophète Ayyub alayhi salam, certains ont dit qu'il est mort à l'âge de 93 ans. Et parmi ses enfants, il y en a un qui s'appelait Dhul-Kifl. Et certains savants ont dit que Dhul-Kifl, c'était également un prophète. Et ils se sont basés sur un verset du Coran pour dire que Dhul-Kifl était un prophète. Et Dhul-Kifl, il est également cité dans le Coran, et étant donné qu'il est dans un verset, il est cité dans un verset avec d'autres prophètes, c'est pour cela que ces savants ont dit ce qui apparaît du verset, c'est que c'était un prophète, bien que d'autres savants ont dit que c'était un vertueux. Donc il y a divergence au sujet du statut de Dhul-Kifl, est-ce que c'était un prophète ou pas, mais l'avis prépondérant, c'est que c'était un prophète, et il a reçu la révélation après le décès de son père. Allah Ta'ala dit dans le Coran, après avoir cité le prophète Ayyub alayhi salam, وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. C'est-à-dire, et également, donc après avoir cité Ayyub, également Ismaïl, Idris et Dhul-Kifl, tous étaient des patients, c'est-à-dire qu'ils faisaient preuve d'une grande patience, et nous les avons fait entrer dans notre miséricorde, Allah leur a accordé sa miséricorde, et c'était des vertueux. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Donc, avant que Dhul-Kifl soit cité dans le Coran, il est cité des prophètes. Après que Dhul-Kifl soit cité, il est également cité des prophètes, notamment juste après, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Le prophète qui est cité juste après que le verset dans lequel est cité Dhul-Kifl, c'est Dhun-Nun, c'est-à-dire le prophète Yunus alayhi salam, et je pense que c'est de lui que nous allons parler inshallah, Jonas, Yunus, le prochain cours, c'est-à-dire jeudi prochain, dans la série des histoires des prophètes. Le prophète Dhul-Kifl est mort selon ce que certains ont dit, à l'âge de 75 ans. Et certains disent que sa tombe, elle est dans un village en Palestine. Et vous voyez à quel point la Palestine, c'est une terre bénie dans laquelle beaucoup de prophètes sont passés par là. Il y a beaucoup de prophètes qui sont morts en Palestine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il délivre nos frères en Palestine de l'injustice qu'ils subissent et qu'Allah préserve Al-Masjid Al-Aqsa, qui est la troisième meilleure mosquée au monde. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. On va laisser place aux questions-réponses si vous voulez vous poser vos questions sur le chat. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas cette chaîne. Il y a des cours gratuits en ce moment, trois fois par semaine, le lundi, jeudi et samedi à 20h sur des thèmes différents. Et pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui est sur votre écran, l'islam sans apostrophe, point simplement, @gmail.com. Et comme ça, vous recevrez le lien des cours, inshallah, directement sur WhatsApp quelques minutes avant les lives pour ne rien manquer. Et vous avez accès aux playlists également. Vous pouvez aller sur la chaîne l'islam simplement, après vous être abonné, vous allez dans les différentes playlists et vous verrez qu'il y a une centaine de cours qui sont déjà enregistrés. C'était les lives précédents de cette année, donc n'hésitez pas à les écouter, inshallah. Alors il y a quelqu'un qui a écrit: j'ai très peur du fait que je me dise que je serai dans ma tombe entre quatre murs, toute seule, plusieurs mètres en dessous de la terre, j'ai très peur. Alors, le fait d'avoir peur de la mort, ça n'est pas quelque chose d'étonnant. Même les vertueux, ils avaient peur de la mort. Yani, c'est pas quelque chose dont les vertueux sont exceptés ou sont préservés. La mort, ça implique ce qui va se passer après la mort. Et donc forcément, t'as peur. Forcément. Mais le croyant vertueux, au moment où l'ange de la mort, Malakul Maut, il ôte l'âme de son corps, il lui dit « Abshir, bi rahmatillahi wa ridwanihi ya waliyallah » C'est-à-dire, je t'annonce la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah et de son agrément pour toi. Ô toi le vertueux, ô toi le saint. Donc à ce moment-là, la personne, on dit que « Tuhibbu liqa Allah » elle est contente de la mort à ce moment-là. Mais avant de mourir, oui, on est inquiet, on a peur, et c'est un incitateur pour nous. Cette peur-là, elle nous incite à œuvrer afin que nos bonnes œuvres, elles soient notre compagnon dans la tombe. Et afin que notre tombe soit illuminée et qu'elle soit élargie et que nous soyons dans une félicité dans la tombe. Donc, utilise cette peur que tu as de la tombe et de la mort et de ce qui vient après la mort pour obéir à Allah et pour te préparer justement pour ce qui vient après la mort. Quelqu'un demande, alors, quand on ne fait pas parfois Salat al-Fajr à l'heure, est-ce que c'est très très grave? Alors, est-ce que tu dormais ou est-ce que tu étais réveillé durant le temps du Fajr? Si tu étais réveillé dans le temps du Fajr, c'est-à-dire du Subh, et que tu as retardé ta prière jusqu'à après le lever du soleil, sans excuse valable, alors oui, c'est très très grave. Ça compte parmi les grands péchés. Parce que Allah dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. C'est-à-dire que الويل, donc un châtiment intense, aura lieu pour celui qui fait la prière mais qui la retarde de son temps sans excuse. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, qui ne font pas la prière dans leur temps. Par contre, si tu dormais pendant tout le temps du Subh, parce que tu t'es couché tard par exemple, et tu t'es réveillé à 10h du matin. Donc tu n'étais pas du tout réveillé dans le temps du Subh, là tu ne commets pas de péché, mais tu dois rattraper ta prière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata lahu ghayra thalik » C'est-à-dire celui qui a oublié la prière ou qui a dormi pendant tout le temps de la prière, alors qu'il la rattrape quand il s'en rappelle, ou bien qu'il la rattrape quand il se réveille également. Et il n'a pas d'autre compensation que celle-là. Quelqu'un demande, dans la dénomination des envoyés, que signifie Rasoul, que signifie Nabi, c'est lequel le prophète ou le messager? Alors, dans la terminologie, on appelle en français le prophète, c'est Nabi, et messagers, c'est Rasoul. Ensuite, quels sont leurs rôles? Leur rôle à tous les deux est de transmettre le message d'Allah. C'est de transmettre la révélation. C'est d'appeler les gens à l'islam. La différence maintenant entre les deux, c'est que le prophète messager, il reçoit des nouvelles lois de l'ordre pratique. Tandis que le prophète non messager, le Nabi qui n'est pas Rasoul, il reçoit les mêmes lois que le Nabi Rasoul précédent, que le prophète messager précédent. Je vais te donner un exemple. Quand Adam alayhi salam a reçu la révélation, il lui a été permis de marier ses enfants les uns avec les autres alors qu'ils étaient frères et sœurs, tant qu'ils n'étaient pas jumeaux. Donc c'est un prophète messager, il est venu avec une nouvelle loi, la première loi. Et quand le deuxième prophète est arrivé, le prophète Chis, il a abrogé cette loi. Allah lui a révélé d'interdire à sa communauté de se marier entre frères et sœurs, même s'ils ne sont pas jumeaux. Donc, étant donné qu'il est venu avec une nouvelle loi, même sur un sujet seulement, pas forcément toutes les lois qui vont changer, même sur un sujet, il y a une loi qui a été abrogée, alors on dit que le prophète Chis est un prophète messager, c'est un Nabi Rasoul. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de prophètes qui n'étaient pas messagers. Le prophète Sulaiman, alayhi salam, c'était un prophète qui n'était pas messager. C'était un prophète non messager. C'était un Nabi, mais ce n'était pas un Rasoul. Mais il faut bien comprendre que le prophète, qu'il soit messager ou non, que ce soit un Nabi Rasoul ou un Nabi qui n'est pas Rasoul, dans les deux cas, il transmet la révélation. Donc là encore, faites attention à ce qu'il y a dans certains livres dans lesquels il y a une mauvaise explication, qui est complètement fausse, et dans laquelle ils prétendent que un prophète messager, c'est quelqu'un qui transmet le message, ou bien à qui lui a été ordonné de transmettre le message, tandis qu'un prophète non messager, c'est quelqu'un à qui, soi-disant, il ne lui aurait pas été ordonné de transmettre le message. Ça, c'est complètement faux. C'est un prophète. S'il lui est pas ordonné de transmettre le message, c'est un prophète pour qui? C'est un prophète pour lui-même. Mais à la base, c'est quoi être un prophète? C'est recevoir la révélation à transmettre à la communauté. Donc, tous les prophètes ont transmis ce qui leur a été ordonné de transmettre. Qu'ils soient messagers ou pas messagers. Quelqu'un demande, est-ce qu'un parent est responsable des péchés de son enfant majeur? Si toi tu lui as ordonné le bien et tu lui as interdit le mal et après il ne t'a pas écouté, bah, que ce soit ton enfant ou pas ton enfant, nous avons le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. » C'est ça la méthode. Ça veut dire, celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable, qu'il l'empêche par sa main. S'il n'a pas la capacité, qu'il l'empêche par sa langue. S'il n'a pas la capacité, qu'il réprouve cet acte blâmable dans son cœur, et c'est le minimum qu'exige la foi. Si ton fils, il se met à consommer des drogues illicites, et toi tu lui dis arrête, c'est haram. Tu lui dis, et tu veux l'en empêcher, mais lui il ne t'écoute pas, quand il est dehors il le fait quand même. Dieu dit dans le Coran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, c'est-à-dire que le péché d'une personne ne va pas incomber à une autre personne. Tu as le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Si tu l'as fait, selon ta capacité, alors tu t'es acquitté de ton devoir à toi. Par contre, si quelqu'un à côté de toi, il commet des péchés et toi tu le laisses faire, tu n'essayes pas de l'en empêcher alors que tu as la capacité de l'en empêcher, alors là tu te charges d'un péché. Quelqu'un demande, est-ce que si par exemple on fait la prière du Dhuhr 9 minutes avant la prière du Asr, est-ce que c'est compté? Est-ce qu'on a fait la prière dans son heure ou pas? Dans son temps ou pas? À partir du moment où tu as... Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'en fait il y a une distinction entre le fait de faire la prière Ada'an, c'est-à-dire considéré comme étant dans son temps, et entre le fait de faire la prière de sorte à être épargné du péché. Je vais garder juste le deuxième point qui est important à savoir, et l'autre aussi est important, mais pour pas que vous mélangiez les pinceaux, c'est que tu dois faire en sorte d'accomplir toute la prière dans son temps. Tu n'as pas le droit de retarder la prière, retarder, sans excuse, hein, jusqu'à ne plus avoir le temps de la faire en entier dans son temps. D'accord ? Donc il ne suffit pas de retarder jusqu'à avoir juste le temps de dire Allahu Akbar. Non, tu dois laisser un temps suffisant pour que quand tu dis Allahu Akbar pour entrer dans la prière, tu as le temps de faire toute la prière avant que le temps de la prière ne sorte. Quelqu'un demande, Une fois dans le paradis, est-ce qu'il est possible de voir Dieu? Oui, les croyants verront Allah Ta'ala, alors que eux seront dans le paradis. Mais Allah Ta'ala, on ne dit pas qu'il est dans le paradis ni en dehors du paradis. C'est lui qui a créé le monde et il a créé les corps. Il n'est pas un corps. C'est les corps qui sont concernés par le fait d'être dans un endroit ou par le fait d'être dans une direction. Allah, c'est le créateur des corps, des endroits, des directions, il n'est pas concerné par cela. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris dans un hadith, il a dit « Innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamati kama tarawna al-qamara laylat al-badri la tudammuna fi ru'yatih » C'est-à-dire que vous, c'est-à-dire les croyants, vous verrez Allah Ta'ala dans l'au-delà. De la même manière, ce qui est visé ici par « de la même manière », c'est vous ne douterez pas que c'est bien Dieu que vous avez vu, de la même manière que vous ne doutez pas quand vous voyez la lune, une nuit de pleine lune, sans qu'il n'y ait de nuages. D'accord ? Le prophète, dans ce hadith, il n'a pas fait ressembler Dieu à la lune. Attention, là encore, il y a des gens qui se sont égarés en croyant que Dieu ressemblerait à la lune et ils ont assimilé Allah à ses créatures. Le prophète a établi la comparaison dans le fait de ne pas douter. Il n'a pas établi une ressemblance entre Allah et la lune dans ce hadith. Et ce hadith est sahih. Donc les croyants verront Allah quand ils seront, eux, dans le paradis. Et là, tudammuna fi ru'yatih, c'est une preuve que Dieu n'est pas dans un endroit ou dans une direction. Parce que les gens n'auront pas besoin de se bousculer ou de regarder dans un même endroit ou de se réunir pour regarder tous dans une même direction. Chacun de là où il sera, il verra Allah Ta'ala. Sans que l'on dise que Dieu soit partout ou dans un endroit. Non. Partout comme l'air, c'est une créature. Les corps sont dans des endroits ou partout ou dans un seul endroit ou dans telle ou telle direction. Ça, c'est pour les corps, les créatures. Allah, on ne peut pas l'imaginer. Allah, on ne peut pas l'imaginer. Donc, il n'y aura pas de doute que celui qu'on verra au paradis, quand nous, on sera au paradis, Inch'Allah, c'est Allah, étant donné qu'il ne ressemble pas à tout ce que l'on a pu voir dans notre vie. Et après, les croyants seront de différentes catégories. Les vertueux, ils verront Allah deux fois par jour. Et ça sera leur plus grand bonheur, hein, leur plus grande félicité. Tandis que les autres, ceux qui sont en dessous du degré de vertueux, ils verront Allah une fois par semaine. Quelqu'un a dit, j'apprends les deux versets, les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah avec vous, mais j'ai pas de souffle pour finir le verset. Comment on corrige pour lire tout correctement? Ah, ça veut dire que quand, dans la vidéo sur les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah, j'avais pas forcément coupé suffisamment pour que tu puisses reprendre ton souffle. Alors, ce que tu peux faire, c'est par exemple dire La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jusque-là, c'est bon. Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Là, c'est bon, tu t'arrêtes là. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ensuite tu t'arrêtes là. ربنا ولا تحمل علينا إسرا. Tu t'arrêtes là et tu reprends le dernier mot. إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. Tu t'arrêtes là. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Tu t'arrêtes là. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Voilà, si tu fais ces coupures-là, ça passe. Quelqu'un a dit, une personne m'a dit un jour que je n'étais pas musulmane car je ne mets pas le voile. Qu'en pensez-vous? C'est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'une personne ne met pas le voile qu'elle n'est pas musulmane. Le fait de couvrir ta zone de pudeur devant un homme ajnabi, devant des personnes ajnabi, c'est-à-dire un homme qui n'est pas inépousable à jamais, c'est un devoir. Et la zone de pudeur, pour la femme, c'est son corps, sauf son visage et ses mains. Celui, ou plutôt celle, qui n'applique pas cela, et qui découvre une partie de sa zone de pudeur, se sera chargée d'un péché. Mais on ne dit pas qu'elle n'est plus musulmane. Tant qu'elle ne se rend pas licite ce qu'elle fait, elle ne contredit pas la religion en disant non, c'est permis de retirer de découvrir sa zone de pudeur. Elle n'est pas dans ce stade-là. Elle est juste en train de désobéir en dévoilant une partie de sa zone de pudeur devant des personnes devant qui elle n'a pas le droit de la dévoiler. Cette personne s'est chargée d'un péché, mais elle n'est pas sortie de l'islam, elle reste musulmane. Quelqu'un demande, il dit « Assalamu alaikum » de la part de Mayotte. « Alaikum salam, bienvenue à vous, mes frères de Mayotte. » Ma question est sur les dhikr. Est-ce que c'est grave si on les dépasse les 33 fois, par exemple, en citant « Allahu Akbar » ? Non, ça n'est pas grave. Après, dans le hadith, ce qui a été rapporté, c'est de réciter 33, 33, 33, dans certains hadiths, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et après tu termines la centième fois en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, jusqu'à la fin. Si tu as rajouté, c'est pas grave, t'as pas commis de péché. Mais il y a un secret dans le fait de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit exactement. Voilà, on va s'arrêter là, on a dépassé l'heure. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم je vous dis à samedi inshallah pour le prochain cours sur les jardins des vertueux dans lequel nous expliquons des hadiths qui ont été rapportés dans le livre de l'imam An-Nawawi رياض الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته